La malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. C'est la malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Troisième épisode, Sinbad le Grec. Marhaba bikoum fi barnamej sandouq Sinbad. Bienvenue à vous dans l'émission La malle de Sinbad. Nous avions laissé notre ami apprivoiser le fantastique rock. Jusque-là, il a su éviter toute confrontation directe et violente avec le danger. Le troisième voyage va le contraindre à affronter la mort en face. Vous n'ignorez plus que Sinbad n'est pas Robinson. Il ne bâtit jamais une civilisation du néant de son isolement. Caractère aérien, Sinbad aspire éternellement à revenir au foyer, à Bassora, Bagdad, à regagner ses pénates restées en Mésopotamie. Or, les dix pénates ont le bon goût d'être des divinités gardiennes de la nourriture, en particulier cuites. Aujourd'hui, notre protagoniste s'initiera à la maîtrise du feu. C'est en grec qu'il va traverser l'enfer de la chair. Quoique le traumatisme d'être dévoré nous autorise à parler un peu trivialement de bonne chair. L'odyssée du rusé Ulysse entre par effraction dans notre récit. Polyphème, le bavard, le pays des cyclopes. Qui sont-ils ? Des barbares. Ils ne pratiquent pas l'agriculture, se contentant d'être des pasteurs. Polyphème élève des moutons. Il ne réside pas dans des cités, vivant dans des cavernes. Polyphème est un troglodyte. Ils n'ont pas d'état. Leur structure politique étant réduite au noyau familial. Polyphème est un sauvage. Souvenez-vous, c'était au champ neuf. Vous êtes dans la malle de Sinbad sur le 100.0 FM. Le pays des cyclopes. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse. Nous atteignîmes un pays de hors-la-loi, les cyclopes. Ceux-ci, faisant confiance aux immortels, ne plantent pas de plantes de leurs mains ni ne labourent. Ils n'ont pas d'assemblée pour les conseils et pas de loi. Ils habitent le haut des plus hautes montagnes, en des antres profonds. Chacun y fait la loi dans sa famille et reste insoucieux des autres. Il est une île assez petite en face de leur port, ni trop près, ni trop loin du pays des cyclopes. Avec des bois, des chèvres en grand nombre y vivent, sauvages. Le pas de l'homme ne les effarouche pas. Et les chasseurs n'y viennent point qui, par les bois, à grand-peine, gravissent les flancs des montagnes. Cette île ne connaît ni le bétail, ni la charrue. Mais sans semaille, sans labour toute l'année, par l'homme déserté, elle paie les chèvres bêlantes. Les cyclopes n'ont pas de vaisseau Rubicon, ni de ces constructeurs de navires pour leur bâtir des vaisseaux bien pontés, prompts à toute besogne, qui vous mènent de ville en ville, comme font souvent les hommes, franchissant les vastes mers. Ils auraient pu ainsi développer cette île. Elle n'est pas ingrate et pourrait donner tous les fruits. Il y a des herbages sur le bord de la mer grise, tendres et arrosées. Les vignes serait éternel, le labourage aisé, les moissons seraient hautes. Chaque été, car la terre est grasse sous les mottes. Un peu plus loin, Polyphème, oui, Polyphème. Mais comme nous touchions à cette terre peu lointaine, au bout du cap, nous vîmes une grotte sur la mer, haute, sous des lauriers. Là, des brebis en nombre et des chèvres étaient au parc. Un haut rempart s'élevait tout autour, fait de blocs fichés dans le sol, de grands pins et de chênes à la haute couronne. Là vivait un géant, un solitaire, qui menait paître au loin ses troupeaux. Il ne fréquentait pas les autres, mais vivait à l'écart, hors la loi. C'était un monstre gigantesque. Il ne ressemblait pas à un mangeur de pain, mais plutôt au sommet boisé d'une haute montagne apparue à l'écart. Polyphème, le cyclope, celui qui dévore Ulysse et ses compagnons, comme il est dit un peu plus loin dans l'Odyssée. Vers le soir, il revint, ramenant ses brebis laineuses. Vite, dans l'antre vaste, il fit entrer ses gras troupeaux, sans laisser une bête au dehors dans la cour profonde, soit qu'il se méfiât, soit qu'un dieu le lui eût soufflé. Puis, soulevant l'énorme bloc, il emboucha l'entrée, s'assit pour traire ses brebis et ses chèvres bêlantes en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement à bout de ses travaux, puis attrapa deux autres de mes gens pour son repas. C'est alors que je m'approchai pour lui parler, tenant entre les mains la jatte de vin noir. « Tiens, Cyclope, bois ça, pour arroser ces chairs humaines, que tu saches quelle boisson notre vaisseau dissimulait. C'était ma libation, si ta pitié nous avait reconduits, mais ta rage passe les bornes, malheureux. Quel mortel viendrait encore te voir, en suppliant maintenant que tu fis cela ?» Je dis, il prit la jatte, la vida, le doux nectar le ravit à tel point qu'il en redemanda. « Sois gentil, donne-moi encore, et puis dis-moi ton nom tout de suite, que je te fasse un cadeau qui te plaise, car la terre du blé pour les cyclopes porte aussi le vin en lourde grappe que grossit la pluie de Zeus, mais ça, c'est de l'essence d'ambroisie et de nectar. » Ainsi dit-il, et je lui reversai du vin de feu. Trois fois je l'en servis, et trois fois l'imprudent le but. Puis, quand le vin lui eut embrumé les esprits, je lui soufflai ces mots aussi doux que du miel. « Cyclope, tu t'enquiers de mon illustre nom. Eh bien, je répondrai, mais tu n'oublieras pas le don promis. Je m'appelle Personne, et Personne est le nom que mes parents et tous mes autres compagnons me donnent. » Il repartit d'un cœur cruel. « Eh bien, je mangerai Personne le dernier, et les autres d'abord. Voilà le don que je te fais. » Alors, tête en arrière, il tomba sur le dos, puis sa grosse nuque fléchit. Le souverain dompteur, le sommeil le gagna. De sa gorge, du vin jaillit et des morceaux de chair humaine. J'enfouis alors le pieu sous l'abondante cendre pour le chauffer. J'encourageai de mes propos mes compagnons, afin qu'aucun, de peur, ne défaillît. Mais quand bientôt le pieu d'olivier, dans le feu, rougeoyant, quoique vert, jeta une lueur terrible, m'approchant, je l'en retirai. Mes compagnons étaient autour de moi. Un dieu nous insufflait un grand courage. Eux, s'emparant du pieu d'olivier acéré, l'enfoncèrent dans l'œil. Moi, appuyant par en dessous, je tournai comme on fore une poutre pour un bateau, à la tarière. En bas, les aides manient la courroie qu'ils tiennent au debout, cependant que la mèche tourne ainsi. Tenant dans l'œil le pieu affûté à la flamme, nous tournions et le sang coulait autour du pieu brûlant. Partout sur la paupière et le sourcil grillait l'ardeur de la prunelle en feu et ses racines grésillaient, comme quand le forgeron plonge une grande hache ou une doloire dans l'eau froide pour la tremper. Le métal siffle et là gît la force du fer. Ainsi, son œil sifflait sous l'action du pieu d'olivier. Il poussa un rugissement. La roche en retentit. Nous nous enfuîmes apeurés. Alors il arracha le pieu qu'un sang nombreux salissait de son œil, le jeta loin de lui, de ses mains, affolé, et à grands cris héla les cyclopes qui habitaient dans les grottes des alentours, sur les cimes venteuses. En entendant ces cris, ils accoururent de partout, et demeurés dehors, lui demandèrent ses ennuis. « Quel mal t'accable, Polyphème, pour que tu cries ainsi dans la céleste nuit et nous empêches de dormir ? Serait-ce qu'un mortel emmène malgré toi tes bêtes ? Serait-ce qu'on te tue par la ruse ou la force ?» Du fond de l'antre, le grand Polyphème répondit « Par ruse et non par force, ami, mais qui me tue ? Personne !» En réponse, on lui dit ces paroles ailées « Si tu es seul et si nul ne te fait violence contre la maladie qui vient de Zeus, on ne peut rien. Implore donc plutôt le seigneur Poséidon, ton père. » Et Sinbad, dans tout cela, pareille mésaventure lui échut. Avant d'en apprendre plus sur la tragédie qui s'abattit sur notre courageux marin, arrêtons-nous et tendons l'oreille. Le temps d'un troisième extrait des Mille et une nuits. Alf Leila wa Leila, Dum Kelthum, l'astre d'Orient, Kaukab Shark. Perle qui nous accompagnera tout au long de nos pérégrinations. My heart. خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين Radio Culture Dijon, vous écoutez la malle de Sinbad. قالت بلغني أيها الملك السعيد أن سندباد البحري قال فلما نزل على الأرض جلس على المصطبة ثم قام وجاء عندنا ثم إنه قبض على يدي من بين أصحاب التجار ورفعني بيده عن الأرض وجسني وقلبني فصرت في يده مثل اللقمة الصغيرة وصار يجسني مثل ما يجس الجزار ذبيحة الغنم فوجدني ضعيفا من كثرة القهر هزيلا من كثرة التعب والسفر وليس في شيء من اللحم فأطلقني من يده وأخذ واحدا غيري من رفقتي وقلبه كما قلبني وجسه كما جسني وأطلقه ولم يزال يجسنا ويقلبنا واحدا بعد واحد إلى أن وصل إلى رئيس المركب الذي كنا فيه وكان رجلا سمينا غليظا عريض الأكتاف صاحب قوة وشدة فأعجبه وقبض عليه مثل ما يقبض الجزار على ذبيحته ورماه على الأرض ووضع رجله على رقبته وجاء بسيخ طويل فأدخله في حلقه حتى أخرجه من دبره وأوقد نارا شديدة وركب عليها ذلك السيخ المشكوك فيه الرئيس ولم يزل يقلبه على الجمر حتى استوى لحمه ورفعه من على النار وحطه قدامه وفسخه كما يفسخ الرجل الفرخة وصار يقطع لحمه بأظفاره ويأكل منه. Vous êtes dans la malle de Sinbad sur le 100.0 FM. Nous voguâmes de mer en mer, d'île en île et de cité en cité. À chaque escale, nous visitions les lieux, achetions et vendions, pleins de bonheur et de félicité. Mais il arrivait un jour en pleine mer qu'un vent violent se leva et que les vagues se déchaînèrent. Le capitaine, appuyé à la rambarde, scrutait l'horizon de tous côtés. Il se mit soudain à se frapper le visage. Il fit carguer les voiles et filer les ancres. Il se tirait la barbe, lacérait ses vêtements et poussait de hauts cris. « Qu'y a-t-il, capitaine ?» demanda Mnou. « Dieu nous garde, passagers. Le vent souffle en tempête et nous emporte. Le destin nous pousse pour notre malheur sur une île où s'élève la montagne des singes. Jamais personne, après y avoir touché, n'en est revenu vivant. Je pressens que nous allons tous y périr. » Il avait à peine fini de dire ces mots qu'une horde de singes entoura le vaisseau de toutes parts. Ils pullulaient, tant à bord que sur le rivage, aussi nombreux que sauterelles en vol. L'effroi nous saisit. Si nous nous avisions de les tuer, de les frapper, de les faire fuir, comment réagiraient-ils ? Ils étaient si nombreux, et notre courage n'y ferait rien. Nous nous tenions quoi ? Inquiets pour nos vies et nos biens ? Ces singes étaient les plus hideuses des bêtes sauvages, couverts de poils épais comme du feutre noir, effrayants à voir. Ils tenaient un langage incompréhensible. On ne savait rien d'eux. Leur aspect horrible jetait dans l'effroi. Ils avaient des yeux jaunes enfoncés dans une face noirâtre. Petits, leur taille ne dépassait pas 4 empans. Ils grimpèrent sur les câbles d'ancre qu'ils rongèrent de leurs dents. Puis ils s'en prirent de partout, à tous les cordages. Le bateau s'inclina sous le vent et, drossé à la côte, s'échoua. Les singes se saisirent des commerçants et de tous les passagers et les firent descendre sur l'île. Ils s'emparèrent de tout ce que contenait le bâtiment et s'enfuirent, nous laissant sur le rivage. Ils revinrent ensuite sur le navire qu'ils réussirent à pousser au large et disparurent à nos yeux sans que nous sachions ce qu'ils en avaient fait. Nous restâmes seuls, réduits à manger des fruits, des baies et des légumes, à nous désaltérer à l'eau des ruisseaux, nous finîmes par apercevoir un édifice, apparemment habité, qui se dressait à l'intérieur des terres. Nous nous mîmes en marche vers lui. C'était un château aux colonnes élevées, aux murailles imposantes. Un portail à 2 vantaux fait de bois d'ébène ouvrait sur l'intérieur. Nous entrâmes et débouchâmes sur une très vaste cour centrale, sur laquelle donnaient de nombreuses et hautes portes. Une dalle de pierre, large et surélevée, en occupait le centre. On y avait disposé des ustensiles de cuisine et des broches très longues, placées sur des braseros. Tout autour, de nombreux ossements de grande dimension jonchaient le sol. Nous n'apercevions personne, ce qui nous jeta dans un grand étonnement. Nous nous assîmes dans la cour de ce château quelques instants, puis nous nous allongeâmes pour dormir et notre sommeil dura de la matinée jusqu'au coucher du soleil. C'est alors que le sol trembla sous nos pieds et que dans un grand fracas, un être monstrueux surgit au-dessus du palais, fondit sur nous. Il avait forme humaine, était noir de peau et si grand de taille qu'il ressemblait à un palmier géant. Ses yeux étincelaient. ainsi que des tisons ardents, et ses canines ressemblaient à des défenses de sangliers. Ses ongles étaient de véritables griffes de lion. Lorsque nous l'aperçûmes, nous perdîmes l'esprit, glacés d'épouvante, pétrifiés d'effroi. Et l'aube, chassant la nuit, Scheherazade dut interrompre son récit. Lorsque ce fut la 547e nuit, elle dit « On raconte encore, sire, ô roi bienheureux, que Sindbad de la mer et ses compagnons furent saisis d'une terreur sans nom devant l'horrible apparition. Nous étions tels des cadavres, poursuivit Sindbad, tellement nous étions saisis par la peur, l'émotion et la frayeur. Après avoir atteint le sol, le monstre s'assit un instant sur un banc de pierre, puis vint à nous. Parmi les commerçants, mes amis, c'est moi qu'il choisit pour me saisir. Je me sentais dans sa main aussi léger qu'une petite bouchée de nourriture que l'on porte aux lèvres. Il me tâtait comme fait le boucher d'un mouton égorgé. Il me trouva sans doute trop amaigri par l'épuisement, dû aux misères endurées, exténué par les fatigues du voyage. Je n'avais plus que la peau sur les os. Il me lâcha, me laissant rouler au sol, et s'en prit à un autre de mes compagnons. Il ne cessa de nous éprouver ainsi les uns après les autres jusqu'au dernier d'entre nous, qui était le capitaine de notre vaisseau. C'était un homme gros et gras, large d'épaules, forme et ferme à souhait. Il plut au monstre, qui s'en saisit comme le fait un boucher de la bête qu'il s'apprête à égorger. L'ogre le jeta au sol, face contre terre, et l'y maintint, d'un pied sur le cou, lui brisant ainsi la nuque. Il se munit alors d'une longue broche et la lui introduisit dans le gosier jusqu'à l'en faire sortir par le cul. Puis, il alluma un grand feu de bois et y plaça cette broche sur laquelle il avait empalé le capitaine. Il se mit à tourner et à retourner le malheureux sur la braise et, quand il le jugea à point, il le retira du feu, le posa devant lui et le dépeça aussi facilement qu'il l'aurait fait d'un poulet. Avec ses ongles, il en découpait des morceaux qu'il portait à sa bouche. Il ne cessa d'engloutir des bouchées jusqu'à ce qu'il eût dévoré toute la chair, sucé les os. Lorsqu'il ne resta plus rien, il jeta les débris sous les murs du château. Cela fait, il s'assit un moment, puis s'affala sur le banc de pierre et s'endormit. Il poussait des ronflements semblables au râle d'un agneau ou de tout autre animal égorgé. Au matin, il se réveilla, se leva et s'en fut. Certain qu'il s'était éloigné, nous nous parlâmes en pleurant et en nous lamentant. Que n'avons-nous péri noyés en mer ou mangés par les singes, plutôt que d'être condamnés à finir embrochés et rôtis ? Par Dieu, y a-t-il mort plus ignominieuse ? Nous allons périr d'affliction. Nous n'avons aucune chance de survivre en ces lieux. Puis, nous nous mîmes en route à travers l'île, pour y rechercher une cachette ou un quelconque moyen de fuir. Nous ne pouvions nous résoudre à mourir et à être jetés au feu. Nous ne trouvâmes nulle part où nous réfugier, et le soir tombait. Nous revînmes au château en plein désarroi. À peine étions-nous assis depuis quelques instants que la terre se mit à trembler et qu'arriva le même monstre noir. Il s'approcha, nous palpa et nous tâta l'un après l'autre, comme il l'avait fait la première fois, porta son dévolu sur l'un d'entre nous, s'en saisit, et lui infligea le traitement subi par le capitaine. Il l'embrocha, le mit à rôtir et le dévora sur la dalle. Puis, il passa toute la nuit à dormir sur le banc de pierre, en poussant des ronflements rauques de bêtes égorgées. Au lever du jour, il se leva et s'en fut, nous laissant comme précédemment. Nous tîmes conseil. Nous nous disions, par Dieu, il est préférable de nous jeter à la mer et de nous y noyer, plutôt que de nous faire rôtir. C'est une mort affreuse. C'est alors que l'un de nos compagnons s'écria, « Écoutez-moi donc. Il faut le prendre par la ruse pour en venir à bout et nous délivrer de sa menace. Nous débarrasserons ainsi tous les musulmans de sa haine et de son injustice. Soit, mes frères, dis-je à mon tour, si nous sommes obligés de le tuer, commençons par ramasser des poutres et des bûches pour construire un radeau. Ensuite, efforçons-nous de le mettre à mort. Courons à notre esquif et prenons la mer pour aller où Dieu daignera nous conduire. Attendons ensuite d'être recueillis par un navire de passage. Si nous n'arrivons pas à venir à bout de ce monstre, nous nous précipiterons dans les flots mêmes. Si nous devons y périr, au moins échapperons-nous à la broche et au feu. Si nous devons en réchapper, nous en réchapperons. Si nous noyons, nous mourrons en martyrs. Tous convinrent que mes paroles étaient sensées et ma proposition convenable. Nous étions d'accord et nous nous mîmes au travail. Nous transportâmes poutres et bûches en dehors du palais et allâmes construire un radeau sur le rivage où nous l'amarrâmes après l'avoir chargé de quelques provisions. Puis nous retournâmes au château. Le soir, une fois tombé, la terre se mit de nouveau à trembler et le monstre noir arriva. Il était tel un chien enragé. Il nous examina, nous palpa les uns après les autres et fit son ordinaire de l'un d'entre nous, comme il l'avait fait auparavant. Puis, il s'endormit sur le banc de pierre et se mit à ronfler dans un bruit de tonnerre. Nous bondîmes alors et saisîmes solidement deux broches métalliques qui étaient plantées en terre. Nous les plaçâmes dans des flammes ardentes qui les rougirent comme de la braise. Puis, nous avançâmes vers le monstre noir qui dormait en ronflant. Nous les enfonçâmes dans ses yeux, en les maintenant de toutes nos forces décuplées par l'énergie du désespoir. Le géant poussa un hurlement terrifiant qui nous figea d'épouvante, se dressa de toute la force dont il était capable et descendit du banc de pierre en titubant. Il nous cherchait, tandis que nous bondissions de droite et de gauche. Il ne pouvait nous voir, car il était devenu aveugle. Mais nous étions au comble de l'effroi, persuadés que nous allions périr sur l'heure et que nous ne pourrions pas en réchapper. Le monstre finit par se diriger à tâtons vers la porte du château et sortit en poussant des hurlements si violents que la terre en était secouée. Nous étions paralysés de terreur. Lorsqu'il fut au dehors, nous le suivîmes. Il disparut un moment à nos yeux, mais revint, accompagné d'une femelle, encore plus grande, plus sauvage et plus hideuse que lui. À ce spectacle, l'horreur nous saisit. Nous prîmes nos jambes à notre cou vers notre radeau, le désamarrâmes, le poussâmes vers le large et y sautâmes. Les deux monstres lançaient sur nous d'énormes quartiers de roches. La plupart d'entre nous périrent et nous ne restâmes que trois rescapés à bord, dont moi-même. Et l'aube, chassant la nuit, Shahrazad dut interrompre son récit. Vous êtes dans la malle de Sinbad sur le 100.0 FM. Sinbad avait donc réussi à fuir l'estomac de l'ogre. Il n'était pas pour autant tiré d'affaire. Alors que les rochers vengeurs manquaient son radeau et qu'il s'extirpait à grand-peine de l'île maudite avec deux compagnons, comment aurait-il pu imaginer que les courants l'entraînaient vers un lieu en tout point maléfique ? L'angoisse de servir de pitance taraude l'affamé qui s'égare dans les ornières du monde connu. Nous en reparlerons. Radio Culture Dijon, vous écoutez La Malle de Sinbad. Il ne nous appartient pas de déflorer l'intrigue qui suit. Nous vous en laissons le soin et le plaisir jusqu'à la prochaine émission. Quand les heures grasses nous font la nique, que la curiosité vous pique, lors vous saurez ce qu'il advint de Sinbad, l'audacieux marin. Mar salam. La malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon, une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographies et podcasts sur le site internet de Radio Culture.